La délégation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le vice-ministre Lee Gil-sung, a rencontré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et s'est entretenue avec le vice-ministre Liu Jianmin et l'assistant au ministre Kong Qianyong au cours de sa visite en République populaire de Chine. Les deux côtés ont souligné que l'amitié coréo-chinoise est établie au prix du sang par les peuples de deux pays dans la lutte commune contre l'impérialisme grâce aux dirigeants de la génération précédente. Ils ont reconnu que le développement de cette amitié, richesse commune de deux peuples, se conforme à leurs intérêts et discuté des problèmes à cette fin. Ils ont échangé les points de vue sur les problèmes d'intérêt commun, y compris la situation de la péninsule coréenne.